La chronique de chasse de Mathieu Roy, une présentation de Alltech. Vous craignez la chaleur pour votre prise durant la chasse? Alltech a tout ce qu'il vous faut avec un nouveau système de réfrigération à installation rapide pour une chambre froide. Venez en magasin rencontrer nos professionnels qui vous expliqueront cette nouvelle technologie au 428e avenue d'Olbeau-Mistassini. Alltech, 418-276-4436. Toute notre équipe souhaite une belle période de chasse à tous les chasseurs et vous invite à la plus grande prudence pendant cette période. Amis chasseurs, c'est le grand temps de se préparer pour la saison qui s'en vient. Chez Dolbeau Oxygène, on a tout ce qu'il vous faut, que ce soit propane, cuisinière, glacière. Notre équipe saura bien vous conseiller. On a aussi un vaste choix de chaufferettes. Dolbeau Oxygène, 303 8e avenue, Dolbeau-Mistassini, 418-276-0555, 418-276-0555. Tout le personnel et la direction de Dolbeau Oxygène souhaitent une belle période de chasse à tous les chasseurs et est fier d'être un partenaire de la chronique de chasse de Claude Roy. On va parler de chasse et notre ami Claude Roy ne peut plus faire, il va être de retour l'an prochain, mais il y a eu un contrat de travail avec des touristes français, il accompagne des touristes français, mais on ne perd rien au champ parce que c'est son garçon, Mathieu, qui va prendre la relève durant la période de chasse. Salut Mathieu! Hey, bon matin! Mathieu, d'abord, quel âge que toi? T'as une voix jeune, puis t'as une voix jeune. Ah, je suis un jeune papa de 41 ans. Ah, c'est pas si pire, je pensais que t'étais plus vieux que ça. Non, je te demande ça parce que les jeunes, là, la chasse... Ça ne dit rien, je pense. Hein? C'est pour ça que je te demandais ça. Ben, la chasse et la pêche sont effectivement des activités qui sont... Puis là, on va être... je risque de me faire tirer des tomates, mais on essaie de nous faire croire que ça va bien, mais ça va pas bien dans l'industrie. Okay? Okay. On a de moins en moins de jeunes dans le bois. C'est sûr que dans certaines régions du Québec, c'est plus facile. On va penser à la Côte-Nord, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à la Beauce ou à l'Abitibi. On est né dans le bois. Ouais. Tout le monde de notre famille sont des amateurs ou pas loin de chasse, de pêche. Donc, on est né là. Fait que c'est sûr qu'on a été initié tôt. Mais quand on vient de la ville, ben, on n'a pas eu cette chance-là et ça devient plus difficile de lâcher nos écrans de télévision, de lâcher nos cellulaires, nos tablettes, puis d'aller se retrouver dans le bois. Il y a des gens qui le font. Je dis pas qu'on n'a pas de monde qui y vont, mais il y a de moins en moins de permis de chasse qui se vendent, il y a de moins en moins de permis de pêche qui se vendent, puis à chaque année, le gouvernement n'arrête pas d'augmenter le coût des permis. Donc, il y a plusieurs petits facteurs qui font en sorte que l'industrie est sur un déclin présentement. Et je ne sais pas comment on va pouvoir renverser la tendance. Parce que ça a eu une bonne augmentation hein, des permis de chasse et de pêche aussi. Là. Je pense que c'est une bonne augmentation, hein, si je me rappelle bien. Bien, écoutez, on est passé des permis de pêche de 16 piastres à peu près à quasiment 30 piastres aujourd'hui. Okay. Tout dépendant là, de ce qu'on prend comme permis. Par contre, les permis de chasse, eux, ont pas bougé. Ils ont bougé aussi, mais pas encore, à mon avis, au niveau des permis de chasse, pas encore assez. Parce que quand on regarde le prix d'un permis de chasse, c'est peu versus la valeur de l'animal qu'on va prélever. C'est un autre débat. Puis, oublions pas une chose. Au Québec, dans les dernières années, on calculait 1 500 000, 1 600 000 pêcheurs versus 250 000 à 300 000 chasseurs. Parce que les mêmes chasseurs, ils font la chasse au chevreuil, ils font la chasse à l'orignal, donc on ne peut pas compter les permis de la même manière. Fait qu'on compte environ 250 000 à 300 000 chasseurs, contrairement aux pêcheurs. Mais là, le nombre de pêcheurs a diminué depuis les deux dernières années. C'est sûr que le coût des permis y est pour quelque chose, parce que il y a des gens qui vont pas en pourvoirie, mais qui trouvent ça très cher juste pour pêcher dans leur ruisseau à côté de la maison une fois de temps en temps ou pêcher dans des endroits près des centres urbains. Donc il y en a qui trouvent ça cher. Et bon ben écoute, les jeunes sont rendus ailleurs aujourd'hui. Les jeunes, tu sais, les étés sont de plus en plus occupés pour les parents. Dans le temps, on avait pas autant d'activités l'été pour les enfants. Les jeunes, ils jouaient pas tout au soccer, ils jouaient pas au baiser. Ouais. On avait le terrain de jeu, mais c'était à peu près tout. Fait qu'on avait l'occasion d'aller en voyage ou faire des voyages de pêche avec la famille. Aujourd'hui, ben, les jeunes jouent au soccer, au baseball. Le soccer est très populaire. Fait qu'on On est tout le temps à gauche, à droite, fait que ça devient difficile d'amener la famille dans le bois. Il y a ça, mais il y a le taux de natalité aussi. Il faut parler aussi. Là. Le taux de natalité au Québec, là, c'est partout. Là. T'sais, on manque de main-d'œuvre, on manque de ci. À quelque part, ça a un lien avec le taux de natalité. T'sais, avant, c'était quoi? C'était 2-3 enfants par famille. Là, à 1,5 enfants, c'est difficile de refaire ça. Là. Ça doit avoir un lien aussi. Là. C'est sûr que ça a un lien. C'est sûr que ça a un lien. Okay. On n'est pas à l'abri de ça. Puis le choix d'opportunité aujourd'hui, d'activité, est beaucoup plus grand qu'il était quand moi j'étais petit cul. Okay. T'sais, quand moi j'avais 7, 8, 10 ans, ben le samedi, c'était ça qu'on faisait. On partait à la pêche l'été avec mon père. On partait de bonne heure. Puis je me souviens, on partait de Québec, puis on s'en allait à la pêche dans le Zec des Martes, dans le coin de Charlevoix. Puis c'était ça notre activité du samedi. Aujourd'hui, puis le dimanche, c'était la même chose. Le dimanche aussi, on allait à la pêche. Aujourd'hui, ben les magasins sont ouverts 7 jours par semaine. Mmh. Les magasins sont ouverts aussi le soir. Les activités sont plus juste la semaine ou le samedi. C'est aussi le dimanche. Fait qu'on a de moins en moins de temps pour aller faire ces activités phoniques-là, connexes. Si on se donne pas l'obligation de le faire, on a moins le temps d'y aller parce qu'on est pris dans trop de choses. La vie va trop vite. Et pourtant, on gagnerait tous si on avait cette opportunité-là de retrouver cette nature-là qui est belle, qui nous appartient, qui est giboyeuse, qui est poissonneuse. On aurait... probablement qu'on s'en porterait tous un peu mieux parce que le temps qu'on peut se retrouver dans le bois, pis c'est là on parle des activités phoniques de pêche, mais il y a le côté plein air aussi, tu sais, le côté plein air aussi périclite un petit peu là. Le gouvernement cherche des façons de ramener les familles dans le bois, tu sais, dans les réserves phoniques, dans les parcs, il offre des possibilités de logement beaucoup plus intéressantes qu'il offrait avant. On essaie de rendre l'expérience plus intéressante pour les familles de venir redécouvrir la nature, mais c'est pas une mission qui est facile. Non, c'est clair, c'est clair. Mathieu, mais je peux te dire qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, est-ce que tout ce que tu viens de dire là, ça paraît pas parce que le monde vire fou ici. Le monde est fou ici. Je vais vous comparer avec la Gaspésie. Ouais. Vous êtes dans des régions où vous êtes né là-dedans. Ouais. Tu sais, tout le monde dans la famille ou alentour. Tout dépendant où vous êtes, vous avez tout le monde a un chalet dans le Zec des Passes ou dans le Zec Martin-Vallin. J'ai un de mes amis proches, un gars avec qui je m'entraîne régulièrement. Lui, il sort avec une fille qui vient de Saint-Fulgence. Ouais. Ben là, ils viennent de s'acheter un chalet sur le bord de l'eau. Ouais. Au Saguenay. Mmh. Parce que, tu sais, puis la fin de semaine, ils vont partir puis ils vont remonter. Vous avez encore ce sentiment-là que je me considère maintenant un citadin, même si je viens d'une petite ville qui est Montmagny, où on était quand même entouré, puis on avait les pêcheurs du fleuve, on avait quand même beaucoup de territoires forestiers alentour de nous autres, mais maintenant, à Québec, je suis un citadin, puis les occasions de retourner dans le bois sont moins nombreuses parce que mes obligations personnelles et professionnelles font que j'ai moins le temps, mais j'aime encore ça. Ça fait encore du bien une fois de temps en temps, mais vous qui êtes au Lac-Saint-Jean, c'est dans votre ADN, comme les gens de la Beauce, comme les gens de la Gaspésie. Présentement, les gens de la Gaspésie, là, ils sont en train de se préparer. Hein, les commerces de la Gaspésie vont faire leur année financière dans les prochains mois et demi qui viennent. C'est clair. C'est pas mal intéressant. Mathieu, tu veux nous parler? On avait parlé avec Claude, mais c'est encore de mise quand il fait 30 degrés. On a l'impression qu'on n'est pas. On se prépare pas pour la chasse, mais on se prépare pour la plage. C'est parce que ça change beaucoup de choses. La température va changer énormément de choses. Je ne sais pas présentement chez vous au lac. Ah, il fait 30 degrés. Comment... Il fait 30 degrés, Puis les arbres ont pas dû commencer à changer de couleur ben encore, non. Alors que normalement, à ce temps-ci de l'année, on commence à avoir pas mal plus de jaune pis de couleur dans nos arbres. Parce que il fait tellement chaud que même la nuit, la température refroidit pas, donc les arbres, la sève, circulent encore super bien dans l'arbre, donc elle est capable d'irriguer les feuilles. C'est pas juste le principe de photosynthèse, il y a aussi le principe de la chaleur, et ça a un impact sur notre gibier, là. Tu sais, à 30 degrés, le gibier, il veut pas se promener. Le gibier, il veut rester terré, il veut rester caché. En haut de 15 degrés, ils n'aiment pas ça. Donc, c'est sûr que ça devient difficile de faire des chasses. Puis le problème, c'est que quand on a abattu, ben notre séjour de chasse, il est écourté parce qu'il faut sortir du bois ou pincer pour amener notre animal chez le boucher pour être sûr de ne pas le perdre parce que rapidement, des chaleurs comme ça, les bactéries vont se développer dans une viande, dans un animal qui est abattu. Il faut sortir du bois au PC. L'avantage, je le dis comme ça parce que l'avantage que vous avez au Lac-Saint-Jean, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est que comme vous êtes proche, il y a des gens qui disent « Nous autres, on va chasser la fin de semaine puis on revient travailler la semaine. » Mais ici, à Québec, c'est pas capable. Quand les gars, ils partent pour la chasse, ils partent pour leur semaine de chasse. Ils sont bouqués une semaine de chasse dans la radiophonique des Laurentides, mais ça se peut que le premier matin, ils soient chanceux qu'ils abattent, mais ta semaine de chasse est finie. Il faut que tu sortes de bois et que tu redescendes, aller porter ça chez le boucher, puis faire ça au PC. Puis l'autre chose que ça a, ben c'est un impact sur le comportement du gibier, sur qu'est-ce qu'on doit faire pour l'attirer, tu sais, puis... Moi, j'ai déjà chassé il y a quelques années à l'île d'Anticosti au mois de septembre, puis on chassait en culotte courte là, parce qu'il faisait 36 degrés sur le bord de la mer. Là. C'était pas drôle. Fait que ça a un impact vraiment sur toute la faune et sur le chasseur aussi. OK. Mais donc, notre commanditaire Altec qui vend des chaufferettes pour justement pour ça. Là. Donc, pour refroidir la viande en période chaude. Si vous êtes capable d'avoir des systèmes qui se font, allez-y, investissez. Parce que, on remarque aussi qu'on a des automnes de plus en plus chauds. Ah ouais. Donc, c'est important de bien s'équiper. Vous mettez des fortunes dans vos vêtements de chasse, dans vos équipements, dans plein de leurres. Vous essayez de leurrer votre gibier avec... Tous les nouveaux produits que les compagnies essayent de mettre sur le marché, puis vous dépensez des fortunes en urine, puis en produits synthétiques, puis en odeur, puis en ci, puis en ça. Mais souvent, on pense pas à un point important qui est le après. Une fois que j'ai abattu mon gibier, donc d'avoir une compagnie comme que vous avez comme commanditaire qui peut supporter en offrant des produits pour aider à refroidir rapidement la viande de votre animal, ben faites-le, investissez un montant d'argent sur ça. De toute façon, quand vous chassez l'orignal, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes trois ou quatre ou deux, ça dépend. Donc, mettez-vous en gang puis équipez-vous comme il faut, ça vaut la peine parce que c'est pas parti pour s'améliorer. Moi, je suis content, écoute, je me plaindrai jamais de la chaleur. Mais il faut penser qu'au Lac-Saint-Jean, vous avez aussi des amateurs de motoneige qui ont hâte les premières matinées. Ah, c'est clair. Mathieu, on se reparle vendredi prochain? Ben, ça va me faire plaisir. Fait que c'est Mathieu Roy, le fils de Claude, donc qui va finir l'année.